disposition, j'ai rien préparé de particulier, ça va être très, très naturel, parce que je pense que c'est comme c'est ça que parfait. Ce sera le plus... Oui, oui, c'est ce que je préfère aussi. Le plus vivant, parce que si on commence à vouloir dire des choses, et... donc moi je vais suivre voilà, vos questions, et donc on peut démarrer. J'ai okay. rien à faire, moi, de mon côté, c'est vous qui pilotez. Hein. Non, là, j'ai lancé le record. Okay. Donc, bon, et donc, je vais faire une petite phrase de bonjour, etc. Et puis bah, après, je vais commencer les questions. Quoi. Ok. Ok, bon, bah, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode du Dies Podcast. Je suis en compagnie de Charles Fouché. Bonjour, Charles. Bonjour, Lohan. Et donc aujourd'hui, pour mettre un peu les gens dans le contexte, moi, je vous ai rencontré, enfin du moins, j'ai assisté à votre présentation sur l'art du pitch au Salon des Entrepreneurs, et j'ai souhaité vous recontacter pour réorganiser un peu un épisode pour axer le pitch sur la junior entreprise. Très bien. Donc voilà, donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter vous et votre parcours. D'accord. Donc, alors, enchanté à tous les auditeurs. Donc, je suis Charles Fouché, je suis un entrepreneur, j'ai de la tisane et des compléments naturels, et je suis également un professeur, j'ai un doctorat en entrepreneuriat et en management de projet, et donc j'enseigne la création d'entreprises depuis une vingtaine d'années, et j'accompagne des entrepreneurs à monter leur société. J'interviens dans des dispositifs et je conçois des dispositifs d'accompagnement. Je travaille notamment à l'incubateur de la Chambre de commerce de Paris. C'est d'ailleurs pour cet incubateur, IncubaSchool, que j'étais au Salon des Entrepreneurs en février dernier. Et j'ai monté également pour l'AG2R La Mondiale, un incubateur social qui permet à des cadres supérieurs qui sont au chômage longue durée et en difficulté, au milieu de leur démarche pour retrouver travail, d'envisager en fait de créer des sociétés, ce qui m'a amené à travailler aussi avec des associations comme la Ligue sur au contact donc de femmes qui ont traversé des épreuves telles que le cancer du sein, de poser le projet de vie, de reposer leur projet de vie, des choses comme ça très intéressantes. Donc tout ça pour vous dire, je tourne autour de la création d'entreprises, de l'académisme, où mes spécialités c'était d'ailleurs historiquement la modélisation, le modèle économique, et jusqu'au plus humain en fait, et à l'individuation, et le fait que en fait à travers la création d'entreprise on travaille surtout sur soi-même et à se reconnaître soi-même. Donc voilà, j'ai 4 enfants, j'habite en région parisienne, j'ai étudié en France, aux États-Unis, à Babson College, qui est la mecque de l'entrepreneuriat, et j'ai travaillé avant de reprendre une société familiale. J'ai travaillé à l'étranger, en Inde, en Autriche, en Europe centrale. Voilà, et je suis devenu entrepreneur un peu par hasard. Ma famille avait un laboratoire pharmaceutique qui fabriquait des tisanes, une tisane qui était assez connue, qui s'appelait la boldoflorine. Et leur usine a été détruite par la tempête de décembre 1999. Donc c'était un gros sinistre. Et à l'époque, je vivais en Autriche, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais et de les rejoindre, donc de revenir à Paris et de rejoindre mon père pour l'aider au départ à liquider son usine détruite. Et en fait, j'ai relancé avec lui une activité de vente par correspondance qui est structurée comme on dirait aujourd'hui une faiblesse, c'est-à-dire on fabrique pas grand-chose directement nous-mêmes, mais okay. On organise un petit peu tous les services de la production en s'appuyant sur des partenariats et de la sous-traitance. Voilà, donc ça s'appelle Tisane Fouché et le site internet c'est fouché1820.com pour les curieux que ça intéresserait. Et j'aide là les gens à prendre soin d'eux-mêmes, à utiliser les compléments naturels et ce que la nature met à notre disposition pour prendre soin de sa santé. D'accord. Voilà. Ok. Très intéressant, long parcours, et vous m'aviez parlé d'une expérience en junior entreprise, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, je peux dire que moi, quand j'ai fait une classe prépa et une école de commerce, j'ai fait les CELSCA, donc à Paris, et dès la première année, j'ai rejoint effectivement la junior entreprise de les CELSCA, J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. En fait, moi, j'étais pas un étudiant qui aimait vraiment quel que soit le niveau scolaire, hein, étudier les matières comme ça, mais plutôt travailler, prendre à bras le corps les choses. Et donc, j'étais impliqué dans la junior entreprise de mon école pendant 2 ans. Je fais des missions, je me souviens, notamment autour de la compatibilité électromagnétique. C'était le début de la mise en place des normes. Et donc, j'avais travaillé pour une entreprise qui refaisait sa brochure. Voilà. Et moi, j'ai le souvenir d'une expérience, et d'expérience aussi parce que j'ai fait d'autres missions où c'était très sympa d'être dans le concret avec des vrais enjeux, des sociétés Ouais. quoi, qui nous payaient, enfin voilà, pris ça Ouais, très je très à comprends. cœur, c'est ce que j'apprécie dans Et... les générations d'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs quand vous m'avez appelé pour contribuer, bah, j'étais ravi de pouvoir le faire. Très bonne vision, une Et très bah... bon souvenir de la vie en junior entreprise. C'est un plaisir partagé. Et du coup, dans ce long parcours semé d'embûches d'entrepreneur que vous êtes, est-ce que vous avez senti un impact de par votre parcours de junior entrepreneur en fait. Est-ce que la junior entreprise vous a apporté beaucoup et est-ce que elle vous a servi dans vos nombreuses expériences? Je dirais très sincèrement, l'expérience en junior entreprise, c'est une expérience parmi d'autres. Moi, j'ai cherché à travailler dès que j'ai eu 16 ans. J'étais livreur de Ok. pizza, j'étais groom, j'ai fait des. Voilà, j'aimais travailler, hein. Et donc, la junior entreprise, c'était un de ces nombreux tremplins. Mais je suis persuadé que de travailler, de faire des choses concrètes dans le milieu associatif et aussi important, voire plus important que d'étudier. J'enseigne depuis une quinzaine d'années à l'ESCP. À un moment, je suis en charge d'un module de cours de 30 heures dans lequel je faisais monter des business dans l'école, quoi. Donc, je suis convaincu que pour apprendre, il n'y a pas mieux que ça. Et donc, bien sûr, alors surtout là, vous êtes dans une école d'ingénieurs. Cette brique de junior entreprise, elle va être très importante pour certains. Tout le monde n'apprend pas de la même manière, mais pour ceux qui ont besoin de se confronter à la réalité, se confronter aux autres et Ouais. à eux-mêmes par le biais d'une construction, en fait, d'une production. Et c'est toute la valeur d'une JE. Donc moi, oui, ça m'a C'est aidé, ça. c'était une des choses qui ont aiguillonné un désir de bien faire, de faire bien et d'être reconnu aussi par des adultes, des gens qui représentaient symboliquement pour moi le monde du travail. Ça a OK. compté, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec vous, moi, sur tout ce que vous dites, donc c'est parfait. Bah alors, du coup, moi, nous, on sait, enfin, ce qui m'avait attiré mon attention vers vous, c'était votre conférence, l'art du pitch. Et donc, j'avais bien aimé votre conférence, mais à la fin, j'étais un peu resté un peu sur ma faim, et je m'étais dit, finalement, est-ce que ça s'applique à 100% aux juniors entreprises? Et donc, je me suis demandé, pourquoi pas, bah, faire un épisode avec vous pour cibler l'art du pitch vraiment. Sur les jeunes entreprises. Et donc la première question que je peux vous poser, c'est qu'est-ce que le pitch? Oui, donc déjà définir le pitch est très important parce que c'est un sujet galvaudé et en fait c'est pas qu'une chose le pitch. Donc à l'origine, ce qu'on appelle le pitch, c'est finalement la présentation d'une entreprise ou d'un produit dans un temps relativement record, court. Et ça là vient, l'expression elle-même, elle vient du baseball, hein, le pitcher, c'est celui qui envoie la balle, quoi. Et donc, il va créer le jeu, c'est-à-dire c'est l'introduction de la relation plutôt commerciale, on va dire. Donc, c'est utilisé dans tous les dispositifs d'accompagnement que je connais, c'est dans la plupart des cours d'entrepreneuriat, parce que c'est un outil qui va nous permettre d'aider à gagner en maturité, à la fois pour le porteur de projet, l'entrepreneur, ou l'équipe, si on parle d'une JE, et à la fois pour le projet lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'en travaillant le pitch, en le préparant, on va petit à petit voir plus clairement ce qu'on fait de travers, ce qui est juste ou ce qui est moins juste dans notre organisation ou l'organisation telle qu'on la pense. Alors l'exercice de transposer ça à la junior entreprise, j'allais dire, je pense que ce qu'on va échanger là au fur et à mesure des questions, va nous montrer qu'il n'y a pas une spécificité particulière à la junior entreprise, si ce n'est qu'en général, dans une JE, on a tendance peut-être à pas beaucoup pitcher, ou peut-être pas travailler, en tout cas à mon époque, ouais, la partie commerciale de cette manière-là. On a plutôt tendance à partir d'une démarche de prospection vers le fichier client de la JE, et on y va un peu en tordant son béret. Et ça, c'est le contraire du pitch. C'est-à-dire, c'est ça. Mais justement, nous, en fait, on le voit en salon, par exemple, au salon des entrepreneurs, on était venu là pour prospecter. Et on s'est rendu compte que finalement, aborder un futur prospect, un potentiel prospect, c'était pas si simple. Et se vendre et vendre sa junior entreprise non plus. Donc, c'est ce qu'on manque, nous, en tout cas, dans notre junior entreprise, et ce qu'on aimerait apprendre. Donc, par exemple, comment on pourrait pitcher sa junior entreprise si je suis dans un salon? Je ne connais pas du tout la personne, je vais vers elle, c'est moi qui fais le premier pas. Comment je vais amener le pitch et comment je vais pitcher ma junior entreprise pour potentiellement amener des appels d'offres ou des contrats. Alors justement, on va dire, on va considérer que justement, il n'y a pas besoin d'un pitch stéréotypé. Il n'y a pas besoin d'avoir un pitch ultra préparé, oui, comme s'il y avait une formule commerciale à dire. Ça, c'est ce que font certaines forces de vente dans des contextes très précis. On forme le vendeur à dire exactement ce qu'il doit dire. Mais justement, c'est l'inverse que doit faire une JE. Parce que la JE, sa valeur ajoutée, c'est elle vient de son équipe, des individus et de leur naturel, en fait, d'une forme d'aisance et d'une envie réelle de travailler avec des entreprises et de proposer leur service. Donc, la première chose qu'il faudrait dire à l'équipe de la JE, c'est dire, surtout, soyez naturel, soyez vous-même, en fait. Il y en a un qui va être peut-être très bon dans un certain style, et puis d'autres qui le seront d'un autre style. Et donc, chacun va avoir sa manière, on va dire, de présenter la JE. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller de faire le petit exercice que chacun présente la junior entreprise à sa manière. Le pitch n'est jamais que la réduction d'une présentation, et on va donner quelques règles, quelques repères, on va dire, en fait, il faudrait que cette présentation, elle soit accueillante, parce que la principale qualité de l'introduction dans un discours ou au niveau du pitch, c'est d'accueillir les gens qui ne connaissent pas, en fait, le sujet, l'objet, ou en l'occurrence, la junior entreprise elle-même. On va donner une deuxième priorité, c'est-à-dire, ça doit capter l'attention. C'est parce qu'en fait, cette introduction en communication, elle vise quand même à saisir l'intérêt et capter l'attention de l'interlocuteur. Et elle doit mettre en mouvement, c'est-à-dire elle doit pousser l'autre à bouger, à agir. Pour que je puisse mettre en mouvement l'autre, il faut que j'ai une intention claire. Ça veut dire qu'il faut que je sois clair avec ce que je veux faire. Donc si je reviens maintenant à l'exemple que tu as pris d'un salon, il faut que chacun vienne avec, chaque membre de l'équipe vienne avec une espèce d'intention assez claire. Quelle est l'intention avec laquelle je viens? Et là, on s'aperçoit que souvent, on n'est pas assez bien préparé ou qu'on voit trop loin. On a tendance à vouloir, on va se faire croire que l'on vient peut-être pour trouver un contrat ou une mission. Alors qu'en fait, pas du tout. Sur un salon, on va venir pour nouer un lien et pour avoir l'occasion de re-rencontrer ou de re-revenir s'il y a affinité. C'est-à-dire si, justement, il y a eu une rencontre. Et le pitch, il sert à ça, il sert à favoriser et à créer des conditions de rencontre favorables pour qu'il y ait un vrai échange, cet échange puisse même durer. Ça se joue dans les quelques secondes, les 30 secondes du début, la manière dont on va serrer la main, la manière dont on va avancer vers le stand, la manière dont on va aborder l'autre, vont énormément influencer le déroulé de la discussion qui peut naître ou pas. Et donc c'est vrai que si j'arrive et je dis « Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler avec une JE ?» C'est pas la même chose que si je m'y prends différemment. Et c'est juste. Et là, on va voir que on s'y prend pas tous de la même manière. Moi, je me souviens que dans ma junior entreprise, quand j'y travaillais, ceux qui dirigeaient un peu le bureau avaient des personnalités plutôt commerciales, plutôt un peu battantes, assez, comment on pourrait dire, un peu grande gueule. C'était positif d'avoir ces gens-là à la tête, mais en même temps, ce qu'ils attendaient des autres, c'était d'être pareil, alors que les autres, ils n'étaient pas à la direction du bureau, et ils n'avaient pas forcément ces qualités-là ou ces caractéristiques-là, ils en avaient d'autres, et en fait, ils pitcheraient différemment, et ça marcherait aussi, parce que ce qui est important, c'est de créer une cohérence, de montrer une forme d'intégrité, et de montrer la convergence qu'il peut y avoir entre ce qu'on a envie de faire et celui qu'on rencontre. C'est là que se tient justement la dimension d'accueil. Ok, et du coup, pour revenir un peu sur justement l'accueil, qu'est-ce que vous entendez par accueillir l'autre quand on va vers lui, en fait ? C'est un peu contradictoire en soi. Alors, par exemple, si... Dites-moi. Non, c'est très bien ce que tu as dit. C'est parfaitement contradictoire, c'est-à-dire que... Et souvent, ça m'arrive de le dire pour aider des gens qui cherchent du boulot. Je dis, tu vas à un entretien... Pour qu'il se passe bien, il faut que dès le départ, tu accueilles l'autre. Alors, quand tu cherches du travail, c'est sûr que le recruteur, c'est plutôt à lui, normalement, de t'accueillir. On est d'accord avec ça. Hein, et en fait, normalement, les deux parties devraient s'accueillir. Mais très souvent, tout à l'heure, j'ai dit l'expression « tordre son béret », on se met dans une espèce d'archétype de soumission ou de une représentation. Et c'est celle-là qui est un frein, un obstacle à la spontanéité et à la qualité de l'échange qu'il peut y avoir. C'est-à-dire on va donner une dynamique à l'échange qui n'est pas juste. Il faudra arriver finalement à simplifier les choses. Alors c'est vrai que moi je défends l'idée qu'il n'y a pas l'entrepreneur et les autres. Tous les humains sont entreprenants. En fait, il ne faut pas se voir comme un entrepreneur, il faut juste se voir comme un humain. Et ce qui détermine au départ donc la question, voilà, si on revient maintenant très clairement à notre junior entreprise, on va dire, qui a une phase de travail en amont, qui est de dire, mais qu'est-ce qu'on veut servir ? On veut être au service de quoi et de qui ? Et là, il y a plusieurs types de réponses. Ça peut être le tout venant, tout ce qui vient, parce qu'en fait, on veut travailler pour tout. Ou au contraire, ben non, nous, on a envie de travailler avec des gens qui comprennent ce qu'est une junior entreprise. Parce que s'ils comprennent qui on est, ce qu'on fait, on aura une meilleure relation. Et puis, on sera mieux adapté à leur faire comprendre nos contraintes et ce qu'on est capable de faire et ce qu'ils peuvent tirer... en termes de valeur, en fait, de plus fort, où est-ce qu'ils peuvent le tirer. Donc, pour préparer cette logique de pitch, il y a la logique de au service de qui et de quoi je vais me mettre, qui est la mission de toute entreprise, et qui n'est pas juste un ciblage. Alors, très souvent, effectivement, les cordonniers sont mal chaussés, et donc on va trouver dans des juniors entreprises des choix et des façons de faire qui vont être presque caricaturales. C'est souvent le cas dans les écoles de commerce. Que j'ai beaucoup fréquenté, donc je connais un peu, où on essaye de ressembler à un archétype du bureau commercial ou d'équipe marketing. Quoi. En fait, il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin d'être au clair de quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on veut servir. Et du coup, notre intention, c'est de nouer des liens, de rencontrer des gens pour leur faire comprendre ce qu'on peut faire pour eux. Voilà, et de les laisser parler. Donc après, maintenant, je reviens précisément du coup à la créativité de l'accueil. On pourrait dire, justement, il y a plein de façons d'être accueillant. C'est beaucoup dans le ton, c'est beaucoup dans l'intérêt qu'on va donner à l'autre. Un bon pitch d'une junior entreprise va s'intéresser au métier, en fait, des entreprises qu'on va rencontrer, à mon avis. Et on aura intérêt à aller au départ vers des métiers que, justement, la junior entreprise, par son histoire, connaît. Elle sera beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, ah, vous êtes dans l'aéronautique... C'est quand même formidable ce que vous faites, notamment, je sais pas, en termes d'organisation des process de production sur des cahiers des charges, etc. Et donc, en fait, on va plus parler de l'autre que de nous, si on veut être accueillant. On va montrer qu'on s'intéresse. Oui. Dans l'exercice, j'ai dit tout à l'heure, hein, donc accueil, mise en mouvement. On pourrait rajouter intentionnalité, c'est-à-dire j'ai mon intention, et donc je vais commencer, et c'est là où ça devient vraiment un pitch, à inclure des éléments qui fait que je vais amener l'autre là où je veux qu'il aille. Et très souvent, sur un salon, ce serait juste qu'ils nous disent « Ah mais est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées ?» Parce que justement, on a des études qu'on aimerait faire mener, on ne sait pas très bien comment les faire, oui. Parce que, tu vois... C'est de créer ce petit pont avec la finalité. La finalité, okay, c'est juste qu'on nous demande quelque chose. Ok, en fait, si je résume, finalement, le pitch, ça s'improvise, quoi. Enfin, ça s'improvise sans s'improviser, c'est-à-dire qu'on doit préparer une stratégie en avance, mais au niveau de l'accueil, on ne sait pas vraiment à qui on va parler, donc il va falloir s'adapter, mais au final, on a quand même une stratégie qui est d'amener la personne là où on veut pour amener à une future rencontre. Mais en fait, on ne veut pas vendre directement notre jeu d'entreprise, on veut amener à une rencontre. Absolument. Donc, tu as dit deux choses très importantes sur lesquelles je peux revenir. C'est, tu as dit, ça s'improvise. Là, il y a deux écoles. Il y a des gens qui veulent travailler le pitch, on va dire, commercial rigide, comme on écrirait sur une brochure ou sur un site internet. Moi, je trouve que ce n'est pas la version du pitch qui est intéressante, parce qu'en réalité, les entrepreneurs, ils vont pitcher dans des tas d'endroits différents. Tu vas parler de ta junior entreprise à la fois aux autres élèves quand ils arrivent, aux nouveaux venus, pour les accueillir et leur donner envie de rejoindre la junior entreprise. On va pitcher la junior entreprise auprès de l'école quand il faudra peut-être trouver des sponsors ou des choses comme ça. On va pitcher la junior entreprise après auprès peut-être même des réunions de, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais le syndicat des junior entreprises. La CNJE. Voilà, CNJE. Et aussi, après, dans des salons ou dans des méthodes de prospection. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas le fait de débiter quelque chose mécaniquement où il y aurait les bons mots-clés qui vont faire déclencher. Non, c'est à chaque fois s'adapter à des interlocuteurs pour tenir un discours qui les accueille, qui leur permette de venir à notre portée et naturel pour lier une discussion naturelle. Donc, oui. Pour moi, c'est que c'est un exercice d'improvisation. Cette improvisation, elle est plus facile à faire si on l'a préparée, c'est-à-dire qu'on a, on s'y est entraîné. Et d'ailleurs, dans la vie des entrepreneurs, ils sont finalement à pitcher un peu tout le temps et ça les entraîne énormément. Et là encore, il y a deux façons de faire. Soit on essaye de toujours redire la même chose de la même façon, on finit par créer des espèces de trajets préférentiels, même au niveau des neurones, qui fait qu'en fait, au lieu de créer des conditions de créativité, on crée l'inverse, on fige un discours qui va du coup très mal s'adapter à des changements d'interlocuteurs ou des changements de contexte, ou au contraire, on essaye d'emprunter des chemins très différents. Donc moi, c'est ce que j'encourage, c'est-à-dire c'est une pratique du pitch en entraînement variée, où je prends des points de départ très différents, mais par contre, je reviens sur des repères simples, c'est-à-dire je dois accueillir l'autre. C'est rare que j'accueille bien quelqu'un si je commence par... Des fois, si c'est important de se présenter, mais on va quand même demander comment tu te sens, comment tu vas, est-ce que vous êtes bien installé. L'accueil, c'est une attention qui est donnée à l'autre pour justement avoir en retour une certaine attention. Par ailleurs, l'accueil, c'est aussi ce qui fonde, c'est une parenthèse, hein, mais c'est ce qui fonde le leadership. C'est-à-dire que c'est celui qui a accueilli le premier, et s'il fallait donner une raison à des élèves de venir à l'heure à un cours, ce serait celle-là, ce serait d'apprendre que la ponctualité, elle sert à ça. C'est le premier qui est arrivé qui va pouvoir accueillir les autres. Donc, quelque part, il prend le leadership là. Celui qui est toujours en retard, il a du mal à accueillir. Et bien, dans l'échange, c'est pareil. Je prends l'initiative, j'avance vers un stand dans un salon professionnel. Ce serait à l'autre de m'accueillir puisque j'arrive sur son stand. Mais si j'arrive à déployer une créativité qui me permet d'accueillir l'autre, c'est-à-dire en lui facilitant les premières paroles qui sont toujours dures pour tout le monde dans une rencontre, eh bien, à ce moment-là, je suis l'accueillant. Et je suis venu sur votre stand, c'est magnifique ce que vous faites. On s'aperçoit là que la valorisation, qui est, à mon avis, une qualité entrepreneuriale chez l'humain très à développer, surtout en France, on a l'habitude toujours de critiquer votre petite amie fait un plat, tac, vous dites ça manque de sel ou ça manque de ci. Il faudrait mieux prendre le contre-pied inverse, qui est toujours de trouver la valeur et la révéler. Bon, ça, c'est un excellent chemin d'accueil. On n'est jamais aussi accueillant que quand on restitue aux autres une qualité ou quelque chose vrai, avéré, mais qui nous donne un fil pour commencer à construire une certaine intention. Hein, je viens à votre rencontre aujourd'hui. On vient de telle école, de l'ENSI, et on vient là à la rencontre des entreprises parce que, en tant que junior entreprise, pour nous, c'est un privilège de pouvoir travailler, rencontrer. Ça fait d'ailleurs partie du plaisir. Et là, on voit ce que vous faites ici. C'est formidable. À l'occasion, on aimerait bien vous parler de quelque chose qu'on a fait de similaire. Tu vois, ça va être des choses simples comme ça. Et souvent, les gens, quand on dit pitch, au contraire, ils se compliquent la vie, ils se crispent, ils se concentrent. Ouais. C'est une improvisation dans le sens où justement, ça doit être détendu. Parce que la créativité, elle vient quand on est détendu, quand on se concentre, on restreint notre champ de conscience, ça c'est les neurosciences qui nous le disent, quand au contraire on se détend, on étend le champ de conscience, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des choses qui sont même dans le salon autour de nous pour créer du lien, créer de l'interaction, nouer une relation. Et c'est cette relation-là qu'on cherche en fait à... En fait, on la scelle un petit peu dans les premiers instants, ça c'est le pitch. Après, il y a la discussion qui court derrière. Mais donc, il ne faut pas venir avec, à mon avis, l'idée a priori de présenter immédiatement, par exemple, la junior entreprise. On pourrait dire que simplement rentrer en contact et discuter pour apprendre des choses sur l'entreprise, ce serait un objectif tout à fait intéressant. Parce que même à la fin, on pourra toujours terminer du coup la petite discussion, même si ça a été bref, en disant, est-ce qu'on peut se permettre de vous recontacter ouais. Et auquel cas, on a le feu vert s'il nous le donne. Vous m'aviez permis de vous recontacter, j'avais été très séduit par ce que vous faites et vous sembliez intéressé par ce qu'on fait en tant que junior entreprise. Voilà. Or, c'est ça qu'on cherche. Un bon commercial, il cherche toujours le prétexte pour revenir, habituer l'autre à sa présence. Pas vendre, mais nourrir une relation qui fait que de mieux en mieux on nous ouais. connaît, on sait ce qu'on peut faire, et le jour où il y a quelque chose pour nous, ben on pense à nous. Alors surtout en tant que prestataire de service, comme une junior entreprise. Voilà. Et donc moi, ce serait ça, les enfin voilà. Ok, les donc finalement, qui me paraissent évidents. Finalement, pitcher, c'est vraiment différent de la vente. Finalement, pitcher, on essaye de nouer une relation de confiance pour vendre ensuite. Oui, c'est-à-dire, on pourrait dire, parce que c'est le mot pitch qui est un peu compliqué, parce qu'il veut dire plein ouais. de choses. Et il induit les gens, voilà, il peut induire dans l'erreur. On pourrait dire, dans une relation, que ce soit parce qu'en fait, il peut y avoir un pitch commercial, il peut y avoir un pitch d'entreprise, il peut y avoir un pitch de projet. Mais on va dire, le pitch, c'est toujours l'introduction, c'est le prélude. Et souvent, c'est ce que les gens ne font pas. Ils font un mélange, une présentation et une introduction. Ils mettent tout ensemble, ils le condensent. Du coup, ils parlent très très vite et ils ne laissent pas le temps de la relation de prendre, en fait. Si on veut améliorer, on va dire, ce démarchage, cette rencontre, on va dire, mais il faut un temps, il faut donner du temps, même si on est dans une civilisation très pressée, à la rencontre. Et cette qualité de la rencontre, ben les premiers mots, les premières secondes vont nous donner la possibilité d'ancrer ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas y inclure l'essentiel. Nous, on travaille souvent dans les incubateurs sur ce qu'on appelle l'elevator pitch, c'est-à-dire en une minute, c'est ça le brief, hein, en une minute, vendez-nous le projet. Mais en fait, on ne peut pas vendre un projet en une minute. Ce qu'on peut faire, c'est créer de l'intérêt pour un projet. Ouais. Donc l'objectif n'est pas de tout dire. L'objectif est de créer une relation favorable et d'avoir dit éventuellement un point essentiel qui est susceptible d'accrocher l'attention de l'interlocuteur suffisamment puissamment pour qu'il y ait une suite. Parce que c'est de ça dont il est question, c'est en fait qu'il y ait une suite. Ok, et juste rapidement, vu qu'on n'a plus trop de temps, pour éviter que l'épisode dure trop longtemps, comment je peux faire des séances, enfin, comment s'entraîner à pitcher, même si c'est de l'improvisation, on a dit qu'il fallait quand même s'entraîner. Comment, avec ma junior entreprise, je peux m'entraîner à préparer un salon et m'entraîner pour pitcher? Ben, la préparation que moi, je recommanderais, c'est déjà d'entraîner l'équipe, donc déjà les volontaires. On ne prend la parole que si on est volontaire. Ça, c'est déjà la base. On ne va oui, pas entraîner des gens qui ne veulent pas. Deuxièmement, c'est d'abord un travail de... clarifier qui veut servir l'entreprise, la JE, et qu'est-ce que propose la JE. Pour que les idées soient claires là-dessus. C'est quoi le métier d'une junior entreprise? C'est quoi ses forces? Et puis ensuite, on va s'entraîner à le pitcher dans de la simulation, de rencontres, dans le cadre du, par exemple, du salon à venir. Et là, on va définir ce salon, qu'est-ce qu'il caractérise. Quels sont les profils des entreprises. Et le pitch lui-même, on va voir, va partir toujours d'un espèce de socle universel qui favorise la rencontre, quelque chose qui rend convergent l'horizon social, c'est-à-dire dont je peux parler et je sais que l'entreprise va s'y intéresser. Un sujet commun, on pourrait dire. Alors c'est pour ça qu'on dit, pour préparer une présentation, c'est important de développer les pourquoi et les parce que du projet, bah, par exemple, de la JE. Pourquoi, voilà, ça, ce serait un très bon exercice. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi la JE, elle est intéressante en 2021, parce que ça, c'est déjà justement un espace de professionnalisation, parce que ça permet de mettre à disposition des gens jeunes, mais qui sont formés de façon assez pointue et qui sont prêts à mettre beaucoup plus d'énergie que de raison, parce que les entreprises, elles, sont toujours à la recherche pour des petits projets d'une main-d'œuvre agile et flexible, parce qu'elles sont à la recherche d'innovation, parce qu'elles sont à la recherche d'une stimulation et d'une force de vivification. Donc on va lister tous nos pourquoi et on va faire ça sur un... On pourrait presque faire le cahier des pourquoi dans la JE ou le tableau sur lequel tout le monde va pouvoir mettre pourquoi il est pertinent de travailler avec une JE. Ça, c'est des arguments qui peuvent être symboliques. Ça veut dire que ça peut être des photos qu'on a trouvées qui représentent un pourquoi, une raison d'être à la JE, ou au contraire des phrases, mais qui peut être un espace infini qu'on met tout le temps à jour et qui peut rentrer dans la tradition même de la JE, de dire nous, on travaille sur le sens de notre action, et qui va nourrir une espèce de culture, un fond de sauce, qui va nous faciliter énormément l'accueil sur des sujets communs qui seront en fait c'est parce que qui apparaissent en premier. En gros, le contraire du pitch, ce serait de partir sur vraiment le quoi. Vous savez, nous on est une JE, on travaille dans une école d'ingénieurs, on n'est pas cher et on intervient sur des missions d'études de marché, d'études... Voilà, ça c'est le tue-l'amour. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de JE. Si au contraire on vient vraiment sur le défi du numérique aujourd'hui, et finalement c'est presque inhumain de mettre en route un nouvel outil organisationnel ou je ne sais quoi, on est beaucoup plus sur des parce que. Et ça nous passionne autant, nous en tant que junior entreprise et en tant que jeune étudiant, que vous dans l'entreprise. Et ce qui nous passionnera encore plus d'ailleurs, ce serait de le faire avec vous si vous êtes vraiment intéressé par cette technologie. Tu vois ? Et là, je suis revenu juste parler parce que à une convergence d'intérêts qui implique implicitement une collaboration et une continuation, en fait, une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on a fixé les modalités, etc., de combien ça coûte. Non, ça veut dire qu'on est prêt et disposé à discuter plus à fond. Est-ce que vous avez des projets ? Voilà. C'est très intéressant, ouais. Nous, c'est vrai qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus nos pitchs, mais on va s'y mettre dès la rentrée. On va travailler nos pitchs, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi, je tenais vraiment à vous remercier, Monsieur Fouché, pour cette interview. Où est-ce que, si des personnes ont des questions, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour poser ces questions ? Alors, nous, déjà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Ensuite, il se trouve que pour l'incubateur de la CCI de Paris, on fait très souvent des journées de présentation, des demi-journées de présentation de l'incubateur qui sont en fait des espèces de masterclass autour de l'entrepreneuriat. Donc sur le site de l'Incubaschool, vous avez pas mal de ressources et la possibilité de venir à ma rencontre par là si vous avez envie. Et après, je dirais, dernière chose, il y a un élément très intéressant pour une JE qui me vient, ce serait, moi, je mettrais en place un chantier d'un pitch vidéo. Monter un pitch vidéo pour la JE, et ça, c'est un travail de fond qui va pouvoir servir à plein de choses dans des campagnes BDE ou autres, mais qui va servir aussi dans la commercialisation et qui prépare en fait les vrais pitchs improvisés qui suivent. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, tiens, ça pourrait être une bonne façon de faire. Et une façon de préparer le pitch vidéo, c'est de garder à l'esprit les repères que je vous ai donnés et de regarder des pitchs vidéo sur des sites, par exemple, de crowdfunding comme SoWeFund, dont j'ai la chance d'être un des investisseurs de départ de cette plateforme. Si vous allez voir, les pitchs vidéo sont d'excellente qualité. Et ça, c'est accessible. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fouché. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite le meilleur à la JE de l'ANSI et puis en général à toutes les JE qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, ça va ? Ça t'a plu ? Ouais, franchement, c'était nickel. Moi, j'ai bien aimé. Et vous, ça vous a plu, l'exercice ? Oui, oui. Si tu veux me refaire sur d'autres sujets à l'occasion, il n'y a aucun souci. Oh, c'est vrai ? Oui, oui. Moi, je note, il n'y a pas de souci. Parce que c'est facile à faire, c'est 30 minutes. On peut prendre des sujets qui t'intéressent et autour de l'entrepreneuriat, de la stratégie. Vous, il y a quel sujet qui pourrait vous. Moi, je suis un spécialiste vraiment de l'entrepreneuriat et de la stratégie. C'est vraiment les deux matières que j'enseigne. Mais après, il y a l'accompagnement. Après, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, en fait, après les questions de l'entreprise en général, il n'y a pas trop de soucis. Ok. Écoutez, moi, je passerai avec plaisir vous voir à la CCI Essonne si vous avez des masterclass. Enfin, après, je ne sais pas où est-ce qu'on retrouve les dates. Alors, nous, on est CCI Paris-Île-de-France. CCI Paris, oui, c'est ça. C'est ça, Champéry. C'est le site www.incubaschool, si tu veux donner, si tu veux mettre à disposition mes coordonnées LinkedIn aussi, il n'y a pas de souci. Là, il y a un podcast que j'ai enregistré un peu comme ça. En fait, on devait faire une session en live au mois de là pendant le confinement, et puis il n'y avait pas de bande passante, du coup j'ai enregistré un truc. Donc ça, tu peux le trouver sur le site, qui présente un peu déjà la logique d'incubation, etc. C'est un peu long, quoi. Ça démarre un peu poussif, mais si tu as du temps, c'est intéressant. En ce moment, j'ai du temps, il n'y a pas de souci. Et voilà, et puis après, là, on n'a pas trop de dates parce que tout est un peu suspendu. Ouais. Mais il y en aura en septembre à nouveau. Enfin, voilà. On a un démodé, on fait des choses comme ça. Ok, bah, c'est parfait. Très bien. Bah, moi, de mon côté, écoutez, je vais faire un peu de montage, voir un peu qu'est-ce que ça rend en audio. Et après, bah écoutez, on va poster ça. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on prenne, ou si vous avez peut-être des photos, qu'on fasse quelques infographies pour poster des posts sur LinkedIn pour présenter le. Du coup, tu veux des photos de moi, en fait, c'est ça, hein ? Des photos portraits, ouais. Soit on va voir sur votre LinkedIn et on regarde, soit vous. Sauf non, si je vais t'envoyer. Je t'en veux deux, trois différentes, j'imagine. Ouais, deux, trois différentes serait parfait. Ouais, je vais trouver ça. Merci. J'ai besoin de 48 heures juste. Pas de soucis, je vais le faire dans la foulée. Bah, merci beaucoup. Et puis si tu vois que ça va pas, qu'il y a un problème ou je sais pas quoi, on peut le refaire facilement. Ok, ça marche. Ok. Mais je pense qu'il y aura pas de soucis, hein. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Bah, il y avait un peu de bruit de fond chez moi parce que je suis dans mon bureau, en fait. Ça pose pas de problème. Je pensais que l'heure serait assez calme, mais à un moment, il y avait dans deux pièces plus loin, quelqu'un qui parlait au téléphone. Ouais, je comprends. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, ça ne s'entend pas beaucoup. Bon. Donc voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, hein, pour votre temps. Et bah, avec plaisir, et puis à suivre, on verra bien. Bah, de toute façon, je vous enverrai les liens, il n'y a pas de souci, les posts, etc. Avec plaisir, et puis moi, je serai tenu. Oh, bah c'est gentil, je serai tenu informé. Ok. Merci beaucoup. Alors. Bonne soirée. Ciao. Ah oui, tant pour les photos, ouais, envoie-moi ton mail. Parce que je crois qu'on est passé par LinkedIn au départ, mais du coup, je suis pas sûr d'avoir. Bah écoutez, je vous l'envoie maintenant. Code arrête. Hop, je vous l'ai envoyé par message. Ok. Bah très bien. Bah merci beaucoup. Allez, bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci vous aussi, au revoir.